Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour la quotidienne de 18h à 19h, l'heure des loups. C'est un plaisir de m'adresser à vous ce soir et comme tous les soirs pour ce petit journal quotidien. Et l'émission de ce soir va se faire en deux parties. Alors avant toute chose, et je pense que vous le savez, il y a une semaine, j'étais au festival Camille Claudel à la Bresse. On y a fait avec Résonance FM et Radio des Ballons une émission à trois radios sur les différents intervenants, sur les différents protagonistes autour du festival. Vous l'avez déjà entendu, j'en suis certaine et je suis sûre qu'elle vous a plu. Et j'en ai profité pour faire quelques interviews que je vous présente. J'ai même fait une rencontre que vous allez entendre aussi. Et ces interviews d'artistes, je les ai précédées du bruit qu'ils font quand ils travaillent. Donc pour les tailleurs de pierre, vous entendrez de la taille de pierre. Pour les tailleurs de bois, vous entendrez du bois. Donc ça, c'est pour la première partie. J'espère qu'elle vous plaira beaucoup. Et pour la deuxième partie, j'ai eu en phoneur Kemar du groupe No One Is Innocent, le groupe de rock et heavy metal français que je pense tout le monde connaît. Il vient me parler de son dernier album, Frankenstein, qui est sorti le 30 mars, si je ne me trompe pas. Et surtout, hein, s'il vient me parler aujourd'hui et qu'il n'est pas venu avant... qu'on n'a pas fait d'émission avant, c'est parce qu'ils font un concert à la Souris Verte ce vendredi 19 mai 20h30 à Épinal. Alors je vous laisse avec toutes ces petites choses, on se retrouvera pour la conclusion de l'émission. Alors bonne écoute. Alors, je suis avec Eric au festival Camille Claudel de la Bresse. Eric, toi, tu es photographe amateur. Hein, on s'est rencontrés dehors, simplement. Par hasard. Voilà, par hasard, tout simplement. Dis-moi, toi, tu es là depuis ce matin, donc jeudi 10 mai. Qu'est-ce que tu as vu tout au long de la journée ? Des sculpteurs, des belles sculptures. Et... Tu m'avais parlé aussi d'un orchestre, donc il y a eu d'autres animations, d'autres événements en dehors de tout ça. Oui, il y avait une harmonie, je ne sais pas d'où aussi, mais c'était fantastique. Et dis-moi si jusque-là il y a un souvenir en particulier que tu gardes de la journée, qu'est-ce que ce serait ? Bah, notre rencontre, je ne sais pas comment, mais bon, c'est marrant. Un peu le plus inattendu, le plus improbable, mais c'est vrai qu'après tous les festivals parfois c'est des moments de rencontre. Et d'ailleurs hein, tu as aussi pris beaucoup de photos, voilà. tu as fait quelques rencontres en dehors de moi, hein, bien entendu. Oui, bien sûr. Donc tu as tissé des contacts avec d'autres personnes, tu as, j'imagine, pu prendre de belles photos. Oui. D'ailleurs, pour information, les photos qui seront disponibles sur le site et sur la page Facebook de la radio viennent de toi. Oui. Ce sont tes photos à toi, ou peut-être deux, trois photos de moi, mais bon, on verra si mon appareil peut faire le poids face au tien. Oui. Et d'ailleurs, si nos auditeurs sont peut-être un petit peu curieux pour voir tes photos de plus près, où est-ce qu'ils peuvent les voir ? Sur Facebook, sur la page de « Tu sais que tu es de Gérardmer ». Tu sais que tu es de Gérardmer ici, c'est ça ? C'est vrai. Et donc, c'est là qu'on peut voir tes photos. Bah, écoute, Eric... Il n'y a pas que moi. Bah, d'ailleurs, dis-moi, généralement, la photo que tu fais, c'est quoi ? Je fais tout, paysage, macro... Sculpture, on s'adapte avec le temps. Quoi. Ouais, tu fais vraiment, tu es touché à tout, littéralement. Bah, disons comme aujourd'hui, il fait pas très beau, on fait l'intérieur. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, bah, écoute, je pense que c'est déjà ça. Donc, je te remercie, Eric, pour ta contribution. Et je te remercie pour tes photos. Pas de souci. Merci. Au revoir. Donc, je suis avec Dominique du duo Dominique, Michel et Renaud. Vous êtes sculpteur aussi sur le festival Camille Claudel de la Bresse. Et vous faites une sculpture bien particulière, vous faites une sculpture en paille et en foin, c'est bien ça ? Oui, ça, c'est une sculpture monumentale, paille et foin. Avant toute chose, ça fait combien de temps que vous faites de la sculpture ? La sculpture, ça fait à peu près 45 ans pour moi et un peu plus pour Michel. Et vous avez toujours fait de la sculpture sur paille et foin ? Non, la sculpture paille et foin, ça fait 2 ans seulement. Ça, entre autres, je dirais que c'est un petit divertissement pour nous entre la sculpture sur neige, sur glace, et puis la paille et foin maintenant. Ah oui, donc vous faites déjà différents matériaux. Et la sculpture que vous faites cette année s'appelle Les Petites Curieuses, c'est bien ça ? Les Petites Curieuses, oui, donc petites 4,50 m quand même. Et donc une de chaque côté de la palissade qui regarde chacune de leur côté. Et juste pour savoir, est-ce que vous avez une idée de combien de temps il y aurait la possibilité de voir combien de temps il y aurait la possibilité de voir la sculpture à la Bresse ? Normalement, si la municipalité la laisse, si on arrive à bien réaliser, à bien tasser la paille et le foin, elle peut durer bien plus d'un an. Ah oui, donc on espère qu'elle restera le plus longtemps possible et que les auditeurs puissent jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, s'il y a possibilité peut-être de voir d'autres sculptures à vous, vous avez un atelier quelque part ? Oui, là je suis en Meurthe-et-Moselle du côté d'Arrouet. Et ah oui, dernière chose, la sculpture sur paille, hein, on n'en voit quand même pas à tous les coins de rue. C'est un genre qui existe depuis longtemps ? Valoir a créé le premier festival en France paille et foin, et ça va être cette année au mois de juillet, la 5e édition, je crois. Très bien. Bon, je vous remercie, Dominique. Des étudiants, c'est ça ? Exactement. Vous êtes des scolaires d'un lycée de Belgique, c'est bien ça ? Ouais, c'est un institut d'art en fait, qui propose des enseignements en secondaire et en supérieur. Voilà. Et nous, on a une formation qui est l'équivalent à peu près d'un bac pro en ébénisterie. Ouais. Et là, on fait une spécialisation en sculpture. Voilà, sculpture ornementaliste. C'est ornement, c'est du classique, des rinceaux, voilà, des feuilles d'acanthe. Et donc, vous êtes Pierre et... Matisse. Et donc, vous travaillez ensemble sur le projet que j'ai devant les yeux, mais que les auditeurs ne peuvent pas voir. Hein. Ouais. C'est une femme enceinte, je crois, qui sort. Je pense que vous pouvez mieux l'expliquer que moi. Oui, alors en fait, c'est pour représenter, on a pris un tronc. On l'a coupé en deux. En fait, on l'a coupé en 3 parties. Dans une des 2 parties, on a fait ressortir une femme enceinte, et dans l'autre partie, on a fait la même chose mais en négatif. Voilà. Donc effectivement, c'est une femme enceinte qui sort d'un tronc, qui émerge d'un tronc. Voilà. Et donc on donne l'impression qu'elle est un petit peu dans l'eau, comme si elle était dans l'eau, avec les cheveux qui flottent et voilà. C'est très sympa, mais l'idée, elle est venue comment ? Alors elle est venue en fait à partir du thème du regard. On avait envie d'exprimer le regard, pas à travers un œil ou voilà, expression d'un regard très basique. On avait envie d'exprimer un regard qui soit plus intérieur et en même temps exprimer le regard du spectateur aussi. Et le regard intérieur, on a donc décidé d'adopter une attitude qui soit, comment dire, du coup l'expression du regard intérieur par le négatif. C'est-à-dire une double peau qui, comme quand on médite, on a la sensation de l'intérieur du corps sans pouvoir vraiment le visualiser. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire la même chose que dans le positif, mais en négatif. Et qui est l'expression de la femme enceinte qui essaye de visualiser son corps et son bébé. Voilà. Ah, c'est sympa. Et dites-moi, ça fait longtemps que vous connaissiez le festival Camille Claudel ? Vous vouliez y participer spécialement ? Non, c'est la première fois qu'on y participe, tous les ans. Donc, un de nos professeurs de sculpture a participé au festival Camille Claudel quand il était tout juste jeune artiste. Et donc lui, il a fait la même formation que nous. Et il a participé à ce festival et c'était pour lui un vrai bonheur. C'était, voilà, et il nous en parle toujours avec des étoiles dans les yeux. Et il avait très très envie de partager ça et que ses propres élèves en fait puissent participer. Donc nous, c'est pour ça qu'on concourt en tant qu'école, en tant que scolaire. C'est lui qui nous pousse, grâce à l'école et grâce à lui, ses contacts ici au festival, qui nous pousse à participer. Donc chaque année, il y a des étudiants de Saint-Luc qui viennent participer en tant que scolaire, et on en retrouve maintenant comme Steve Masson qui viennent de Saint-Luc et qui ont participé au festival, en tout cas pour Steve qui a participé il y a 2 ans au festival en tant que scolaire et qui revient maintenant en tant que professionnel. Donc c'est une passion qui se transmet et un virus qui est bien intégré. Et dans ce cas, on peut peut-être vous revoir dans quelques années peut-être, ici. Peut-être, on espère. Dernière question pour la sculpture. Vous savez ce qu'il en adviendra après le festival ? Aucune idée. Voilà, on nous pose la question depuis aujourd'hui. Et on ne s'est pas posé la question depuis le début de la semaine. En fait, non, on ne sait pas du tout. Peut-être qu'on va la laisser ici. Peut-être qu'on fera un barbecue avec. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle est très jolie et il y aura certainement des photos qui vont circuler sur Internet. J'espère. Pour les auditeurs. J'espère. Et pour ceux que ça intéresse aussi, l'Institut Saint-Luc à Tournai, c'est ça, en Exactement, Belgique. Exactement, en Belgique, à Tournai. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup de votre participation. Vous en prie. Merci. Alors, je suis avec deux étudiants du lycée Camille Claudel de Remiremont. Vous pouvez peut-être vous présenter brièvement. Alors, Lucas Angin Marchetto, en mention complémentaire sculpture. Et Clément Deric, dans la même mention que Lucas. Et vous, au niveau du lycée, vous êtes en quelle année d'études ? Alors, ça fait la 5e année qu'on est au lycée. On a fait 3 ans de bac et 2 ans en mention complémentaire. Et le festival Camille Claudel, en fait, vous le connaissiez depuis longtemps ? Ça fait longtemps que vous vouliez y participer ? Ça fait depuis l'année dernière qu'on le connaît et depuis l'année dernière, on veut y participer, en fait. Voilà. D'ailleurs, drôle de question, c'est le festival Camille Claudel, j'imagine que vous savez qui est Camille Claudel, vous connaissez son histoire, son travail. Est-ce que ça a été inspirant pour vous ? Bah oui, évidemment, on connaît l'histoire de Camille Claudel, mais après, l'inspiration, comme c'est pas trop le thème, mais moi, je suis plus orienté les artistes un peu modernes, voilà, c'est un peu trop ancien pour moi. Mais elle est très inspirante, elle a fait du beau travail. Oui, du bon travail. Et dites-moi, alors on va très vite parler de votre sculpture et après un peu parler de votre parcours. Votre sculpture, donc, c'est une femme qui sort d'une pierre. Enfin, d'un côté, on voit qu'elle sort et d'un autre, c'est comme si elle était rentrée dedans, comme si c'était un moule. D'où vous est venue l'idée ? Eh bien, alors, on a voulu faire un fantôme, en fait, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et le fait qu'elle traverse et qu'on la voit de l'autre côté avec cet effet de drap, c'est comme si un fantôme venait à traverser un drap, en fait. C'était surtout l'idée de Lucas, en fait. On a eu plusieurs idées et puis on s'est mis d'accord sur celle-là. C'est super. Et oui, c'est vrai que tant que j'y viens, comme vous êtes là, vous faites de la sculpture, mais c'est sûr que c'est pas une heure de sculpture par mois. Pour en arriver à ça, j'imagine, qu'est-ce qui vous a mené en fait à vous diriger vers la sculpture ? Eh bien, c'est les études de taille de pierre qui nous a... oui, où j'en étais ? Oui, alors ce qui nous a, c'est après les études de taille de pierre, comme on cherchait, je cherchais quelque chose plus dans le dessin, dans l'art, et c'était la suite logique à mes études, en fait. Oui, c'était la même chose. Je voulais continuer dans l'art plutôt, et donc je me suis mis dans la sculpture, quoi. Oui, et dernière question aussi. Cette sculpture donc, qu'on peut voir jusqu'au 13 mai, j'imagine, ici à la Bresse, elle atterrira où après, si les auditeurs ont peut-être envie de la voir? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr, mais alors, la commune de la Bresse va la garder un certain temps. Et je pense qu'après plusieurs années, elle nous reviendra, on pourra la récupérer plus tard. Elle sera vendue. Voilà. On pourra la vendre. Très bien, je vous remercie beaucoup de votre participation. Maxime, vous êtes belge, hein, vu qu'après tout le festival de sculpture de la Bresse c'est international, donc on a bien sûr d'autres francophones et encore d'autres, mais malheureusement la barrière de la langue fait qu'on ne peut pas communiquer avec tout le monde. Mais vous êtes aussi un des sculpteurs qui concourt pour le concours Un Regard, sous le thème Un Regard. Je crois les prix seront dévoilés dimanche, si je ne me trompe pas, ou samedi. Votre sculpture, c'est un immensaille avec un cœur dedans, c'est ça? On peut prononcer un cœur dedans, mais c'est dans l'Antiquité, on se faisait en forme de ça. Comme ça, la lumière se dépasse dedans. Quand tu es dans l'endroit et tu te bouges, c'est comme l'œil te suit. Ah. C'est une technique d'ancien. C'est comme l'œil de David, de Michel-Ange, il se fait. C'est comme tout le monde se bouge dans l'endroit, et c'est par ça que les gens ils regardent les yeux, parce que les yeux ils suivent. Oui. Le petit cœur, c'est mignon, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai que on l'avait pas vu sous cet angle-là, mais c'est aussi ça, hein, d'avoir différentes visions, différents regards sur les œuvres d'art. Mais d'ailleurs, tant que j'y pense, déjà vous avez été étudiant à l'Institut Saint-Luc à Tournai, oui. J'avais fini l'année dernière mes études là, et pendant mes études j'étais déjà intéressé de faire, pas en travaillant petit, mais déjà faire suivre mon style, et les symposiums là me permettre de faire créer des choses qui je rêve. Maintenant, l'œil en un grand format comme ça, pour moi j'étais toujours envie de faire, hein, ça. Et c'est votre premier festival de sculpture Camille Claudel? Oui. Et pour moi, c'était un sur mes points hauts de venir. C'est la Bresse, c'est beau ici, les premières choses. Et l'endroit, c'est magnifique, les sculpteurs, l'organisateur. Moi, je voulais venir ici. Pour moi, c'est un grand point des bars pour sculpter dans le bois grand format. C'est un grand point dans mon CV, ça. Ah oui, j'imagine. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, vous avez été à l'Institut Saint-Luc à Tournai, et il y a en face de vous des élèves de ce même institut. Ça doit faire un petit peu bizarre, ça doit être rigolo, ou doit y avoir comme une sorte, doit y avoir quelque chose, non? Ouais, c'est comme dans notre école, on est très familial ensemble, et sûrement dans toutes les sections spécialisation qui sont, on est passionnant qu'est-ce qu'on fait, on se comprend qu'est-ce qu'on fait, et on va direction qu'est-ce qu'on veut faire. Et voir deux étudiants de Saint-Luc venir ici à la Bresse, c'est un grand pas pour eux. Ils sculptaient même pas 5 mois. Et déjà, ils faisaient un taillet de sculpture en ce format-là. Moi, je peux dire, aïe, moi, c'est plus qu'un honneur de aussi voir les Saint-Luc ici avec moi. C'est ma famille qui vient ici aussi un peu. Oui, bien sûr, je comprends. Et vous avez d'autres projets pour vos sculptures. Est-ce qu'il y a, vous avez prévu de participer déjà à d'autres festivals, d'autres symposiums? Oui, déjà pendant mes dernières années à Sculpture Saint-Luc, je me fais intéresse dans le faire les plus grands formats et mon style. Je suis un étudiant classique, mais quand même j'ai une vision contemporain. Bon, j'avais fait Valoir, la glace pour la première fois, j'étais bien sorti de là. Ensuite j'avais fait un grand format de bois qui était bien, ça va, à Carlis, un grand symposium. Et maintenant, en février, j'étais à Canada, sculpter la neige pour la première fois, et on est sorti même un prix avec cela. C'était un grand honneur de venir là pour la première fois, jamais fait. Et maintenant, la Bresse, c'est la première fois que j'ai un grand format de bois comme ça. Et pour moi, c'est toujours les bonnes chances dans la vie. Je suis heureux. Ce que je comprends, et d'ailleurs, vous, votre art, c'est plutôt classique, contemporain, abstrait? Ah, on peut dire les trois choses, mais c'est plus que contemporain et abstrait, oui, mais avec une vision. J'habite à la mer, en Belgique, et mon inspiration, c'est beaucoup de la mer, les coquillages, le vague, les mouvements de vent qui passent dans les dunes. C'est tout la nature qui m'a inspiré et sorti des pièces contemporaines qui marchaient dans les intérieurs et des galeries. Et ensuite, c'était ça. Et dites-moi, si quelqu'un qui nous écoute hésite un petit peu à se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez? Lance. C'est si tu es passionné et tu as envie de faire un truc, tu vas rester derrière. Il faut suivre notre passion. Moi, j'ai toujours, quand j'étais petit, j'ai travaillé le bois. J'ai commencé à bosser quand j'étais 16 ans. Et ensuite, j'ai toujours bossé avec le bois. Et pour le moment, j'étais à Saint-Luc. C'est le Saint-Luc qui m'a fait le démarre de faire la sculpture. C'est pour ça que j'étais allé à l'école là. Et aussi de continuer de faire les meilleures choses. Et bon, faut pas se limiter. Il n'y a pas de limite dans la vie. Il y a la vie qui se limite. Ah, ça c'est quelque chose de très inspirant, et peut-être pour s'inspirer de vous pour finir, est-ce qu'il y a un moyen de voir vos œuvres sur internet ou sur des réseaux sociaux? Oui, j'ai pour le moment c'est travail encore, mais j'ai sur Instagram c'est Maximus, en français c'est Maximus 93, mais pour le moment il faut venir ici à la Bresse, première chose, pour voir les œuvres en vrai, aussi des autres sculpteurs. Ils sont aussi passionnés de ça, et vous verrez, il y a encore une petite surprise qui va venir sur ma sculpture parce qu'il n'est pas fini encore. Ah bah, on a hâte de voir ça dimanche. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour votre contribution, et une prochaine fois, j'espère. Merci bien de venir et me avoir parlé, c'est positif. âmes, la force, la fougue, la foi, devant le Vietnam, accroché du droit. C'est Ali, King of the Ring, de l'album Frankenstein de No One is Innocent. Et en effet, No One is Innocent, on a dans le groupe Kemar qui est avec nous à l'antenne. Bonsoir Kemar. Bonsoir Lou. Alors, tu es venu nous parler un petit peu de ta tournée promotionnelle et de ton album, vu que tu seras... De notre album et de notre tournée promotionnelle. En effet, vu que c'est un travail de groupe, tu as raison de, oui. De le préciser. Donc, pour votre album Frankenstein, qui vient de sortir le 30 mars, si je ne me trompe pas. Ouais. Et bien entendu, No One is Innocent est en concert à la Souris Verte, à Épinal, ce samedi 19 mai à 20h30, mais on va en reparler. Alors, Kemar, j'ai envie qu'on reparle un petit peu des débuts. Le groupe a été fondé en 93, donc il souffle cette année sa 26e bougie. Est-ce que tu étais là dès le début ? Ouais, ouais, complètement. Donc, tu peux un petit peu nous parler du choix du nom pour le groupe No One is Innocent ? C'est un nom qu'on a... qu'on a trouvé à ce moment-là parce qu'il correspondait parfaitement à ce qu'on avait envie de raconter dans No One, c'est-à-dire nous dès le départ on avait envie d'utiliser la musique pour dire des choses ça s'est imposé, ce nom s'est imposé, alors d'abord parce que aussi c'est un morceau des Sex Pistols, donc forcément il avait une bonne référence, et puis il nous renvoyait quelque chose de plutôt sain, c'est-à-dire il nous renvoyait à des interrogations, à des doutes, à des observations qu'on pouvait se faire. Voilà, ça appelait la question, ça appelait le questionnement. Et comme No One, ça n'a jamais été un groupe qui s'est formé autour d'un truc très narcissique, très égocentrique, où à un moment donné on va parler des problèmes du chanteur, des problèmes de famille du chanteur, etc. C'est un groupe qui a toujours été porté sur ce qui se passe autour de lui et d'évoquer mettre le doigt et évoquer des choses qui à la fois nous plaisent et nous emmerdent. Oui, et c'est comme ça qu'est sorti le premier album No One is Innocent. Donc un petit peu le nom de votre groupe et le nom de votre premier album sont identiques, un peu comme System of a Down. Votre groupe, c'est un groupe de rock heavy metal, c'est ça ? Ouais, de rock énervé quoi. Énervé, engagé, j'imagine qu'il dénonce plein de choses, mais ça tu viens de le dire à l'instant. Vous avez sorti plusieurs albums en 26 ans, vous avez fait beaucoup de concerts. La tournée, on va en parler après, t'as dit groupe un peu qui peut pousser des coups de gueule et qui peut s'engager. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui vient du groupe qui est vraiment très engagée par rapport à des événements récents ? Ah bah il y en a un paquet hein. Là on fait l'inventaire hein. quoi te dire sur Frankenstein, on a eu envie de parler des revenants, de ceux qui reviennent de Syrie, on a eu envie de parler de continuer à mettre le doigt et à mettre l'accent sur l'ingérence occidentale au Moyen-Orient qui a foutu la merde et qui nous a renvoyé en boomerang les Acme, les Daesh, etc. On a eu envie de parler de Donald Trump, on a eu envie de parler du monde de la finance mais alors là précisément qui tapine avec l'Église, on a eu envie de parler de burn-out, on a eu envie de parler aussi, alors là c'est un peu le rayon de soleil un peu de l'album, de Ali, de Mohamed Ali, parce que sa disparition, ça nous avait beaucoup touchés, et que c'est quand même un des derniers héros contemporains, un des mecs qui quand même a utilisé sa notoriété pour défendre les droits civiques, pour se battre contre le Vietnam, et c'est toujours une inspiration, quoi, voilà. Oui. Et ça, c'est depuis le début, hein, vu que je pense aussi à une autre chanson qui doit dater de 2015, suite aux attentats à Charlie Hebdo et au Bataclan. Il y a une chanson qui a été vraiment faite dans cet esprit-là pour dénoncer ces attentats-là. Ouais, à la fois pour les dénoncer, à la fois pour rendre hommage à ceux qui sont partis, à la fois pour crier la liberté d'expression, pour hurler que c'est pas pour quelques dessins qu'on tire sur des mecs. Voilà, pour nous, si on n'avait pas écrit là-dessus, on considérait qu'à ce moment-là que c'était un peu une faute professionnelle, quoi, en tant que No One is Innocent. Et donc c'est un morceau qu'on défend corps et âme depuis la dernière tournée, qu'on continue à défendre, et que je pense que tant qu'on s'appellera No One, c'est un morceau qu'on jouera. Ouais. Oui, et c'est un morceau intitulé Charlie qu'on va s'écouter tout de suite, et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. D'écouter le morceau Charlie de No One is Innocent, tiré même de l'album, mince j'ai oublié, Propaganda. Merci beaucoup Kemar, vu que nous sommes toujours avec toi à l'antenne, hein, pour parler de votre album, pardon, je vais y arriver, c'est vrai qu'après tout t'es pas tout seul à avoir travaillé là-dessus, et je le rappelle, hein, le morceau Charlie est en gros, hein, sorti en réaction aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan en janvier novembre 2015. Et comme je bute un petit peu là-dessus, j'aimerais peut-être revenir sur l'importance du travail du groupe. Vu que c'est vrai que quand je te parlais hors antenne, que je disais ton groupe, ta chanson, tu disais notre groupe, notre chanson. Tu veux savoir comment on travaille ? Oui. Écoute, on travaille beaucoup à trois. On est cinq dans le groupe, mais on travaille beaucoup à trois. Je travaille beaucoup avec les deux guitaristes, avec Poppy et Shanka. Voilà, il y a une espèce de trio entre nous qui fonctionne super bien. À la fois où on s'envoie des idées, où on se retrouve pour travailler. Avec le temps, on se rend compte que c'est assez facile, quoi, tu vois, de travailler ensemble. Je te dis pas que tout est non plus rose, tout cool, tu vois, et que on a l'impression de faire des hits constamment, mais parfois ça peut être douloureux, voilà, tu peux buter sur des morceaux, tu peux buter sur des textes, et c'est des fois ça peut être un peu une souffrance. C'est pas forcément facile d'écrire en français sur ce rock énervé, c'est pas évident. Mais on est hyper exigeant avec nous-mêmes et je pense que les gens s'en rendent compte et qu'on arrive quand même à sortir des bons morceaux. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est d'écrire des bonnes chansons, quoi. Voilà. Surtout là où on est nous, avec la musique qu'on fait, on se doit d'écrire des bonnes chansons. Bien entendu, et en parlant de ça, comme c'est vraiment un gros travail de fond, un travail très important pour être vraiment satisfait et donner de la qualité à votre public, est-ce qu'il y a une chanson en particulier dont toi, tu es le plus fier ? Non. Non ? Non, il y a plein de chansons dont je suis fier, pas une. Ah ben c'est bon à savoir ça. Ouais, il y a plein de chansons dont je suis fier, ouais, vraiment. Que ce soit... le lien entre le texte et la musique, il y a plein de chansons dont je suis fier. Ouais, je sais que quand on se retourne sur ce qu'on a fait, on baisse pas la tête, quoi. Oui, j'imagine c'est quelque chose ton travail, votre travail, c'est prenant vraiment ce travail d'artiste aussi de, comme tu l'as dit, coucher sur le papier en français des morceaux énervés, comme tu le dis, pour exprimer en fait ce que vous avez à dire et vous l'exprimez aussi, je pense, vous le communiquez avec le public à travers des concerts, à travers des tournées. Ça y est, c'est le moment d'en faire une. Mais avant qu'on parle de la tournée actuelle, est-ce que tu as peut-être un meilleur souvenir d'une tournée? Je te dirais celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui. Ouais, qui se passe super bien. Il y a une super interactivité avec les gens. Les gens sont au rendez-vous, il y a du monde. On échange avec les gens à la fin du concert et on sent un enthousiasme sur Frankenstein. On aime ce qui se passe, on aime l'imprévu, l'inattendu, les accidents. C'est un concert de No One, c'est une grande fête, hein, même si par moments, le propos est dur, le propos est assez engagé, ça reste quand même une fête. Je pense que les gens, ils viennent quand même nous voir beaucoup parce qu'ils aiment notre musique, avant tout, quoi. Après, s'ils sont sensibles un peu à ce qu'on raconte, tant mieux. C'est une super période, ouais. Pour nous, c'est musicalement par rapport à ce qu'on a fait sur l'album, on est en train de vivre un bon moment avec le groupe, quoi. Oui, en effet, et c'est même, comme tu viens de le dire, hein, vous faites une tournée promotionnelle en ce moment pour la sortie de votre nouvel album Frankenstein qui est sorti le 30 mars. Ça a été beaucoup de boulot et maintenant les fruits de votre travail, ça y est, vous pouvez le récolter et vous faites un petit peu, j'imagine, le tour de la France et même plus. Et vous êtes ce samedi 19 mai à 20h30, je le rappelle, à la Souris Verte à Épinal. Qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Ouais, on a un super souvenir de la précédente tournée où on avait joué là et on a beaucoup aimé cette salle, ce grand balcon là qu'il y a tout autour. On a senti les gens hyper proches. Non, c'est une super salle. Oui, eh ben écoute, je suis très contente pour toi et même pour vous, que ce soit vraiment des bonnes conditions entre No One is Innocent et le public vosgien, en effet. Est-ce que tu as une dernière chose à adresser à nos auditeurs avant qu'on rende l'antenne ? Prenez du plaisir à écouter du bon rock, à écouter du bon heavy. Voilà, c'est une musique qui parle, c'est une musique qui dit des choses, c'est une musique interactive. C'est cette musique-là qu'on a décidé de faire, et je trouve que c'est une musique en tout cas qui nous rend proche des gens qui viennent nous écouter. Oui, bah écoute, je te remercie, Kemar, pour ta contribution. On va s'écouter en dernière partie le morceau Frankenstein de l'album Frankenstein, bien entendu, vu que c'est un petit peu votre dernier né. Et puis, pour ceux qui ont envie de te voir, hein, c'est, je le rappelle, ce samedi 19 mai, je vais y arriver, à la Souris Verte à Épinal. Bon, merci beaucoup, et puis bon concert et bonne tournée. Merci beaucoup. au revoir, Kemar. Au revoir. Et voilà, vous venez à l'instant d'écouter Frankenstein de l'album Frankenstein de No One is Innocent. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM. Merci beaucoup à Kemar pour sa contribution. Je rappelle, mais je pense que vous vous souvenez bien des informations. Donc leur nouvel album Frankenstein qui est sorti le 30 mars dans les bacs. Et la tournée qu'ils font en ce moment, c'est une tournée promotionnelle. Et ils seront de passage ce samedi 19 mai à 20h30 à la Souris Verte à Épinal. Ça c'est pour Kemar de No One is Innocent. Merci encore pour ta contribution. Et puis je le rappelle encore une fois, hein, le festival Camille Claudel, vous avez la possibilité bien entendu de vous rendre sur place pour voir les statues qui ont été faites pendant le festival pour le concours. Elles sont encore visibles, certainement du côté de la Maison de la Bresse, mais si vous ne les trouvez pas, j'imagine, je suis même persuadée que la Maison de la Bresse saura très bien vous indiquer où elles se trouvent. Et surtout, il y a encore et toujours l'exposition de l'invité d'honneur, pardon, Dominique Graine-Singer, et cette exposition sera visible jusqu'au mois de juillet pour ceux que ça intéresse. Ça va déjà tout doucement être l'heure de se dire au revoir, mais avant qu'on se quitte, je vous fais, comme j'ai l'habitude de le faire, le programme de la soirée. Alors on retrouve à 19h Antoine pour son émission Ce qu'il faut savoir, et si je ne me trompe pas, l'émission de ce soir va parler d'un livre, ou en tout cas de littérature, mais je ne vous en dis pas plus. Et on retrouvera à 21h François pour la rediffusion de son émission Mosaïque. La prochaine émission, c'est demain matin de 7h à 8h, c'est la rediffusion de ce que vous venez à l'instant d'écouter. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'auront peut-être pas forcément la patience d'attendre demain matin, l'émission sera disponible en podcast sur la page radiogemozo.eu ou sur notre page Facebook Radio Gemozo. Après la rediffusion de mon émission sera suivie à 8h d'une chronique de Michel, et enfin à 8h30 la matinale de Marion qui vous annoncera le programme de la journée à venir. On se retrouvera demain même heure, donc 18h, 19h en direct cette fois avec un magicien, un amuseur, un comédien. Il s'agit bien entendu de Johan Magic Silly qui est passé plus d'une fois dans nos locaux, mais je suis certaine que les questions que je vais lui poser ne sont pas celles que mes autres collègues radiophoniques ont posées, mais je les remercie pour le tuyau vu que c'est eux qui m'ont filé le contact. Ça c'est tout pour nous. Je remercie les auditeurs d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gemozo.